plutôt un message variable, servent à donner des indications sur les conditions de circulation. Ici, on annonce un fort vent qui risque d'être latéral. Bien entendu, tous les usagers sont concernés, même si le risque est différent en fonction du véhicule conduit. Les motos sont très sensibles au vent. Le conducteur doit ralentir pour maîtriser la trajectoire. Un camion ou un car, surtout s'ils sont hauts, ont une forte prise au vent. C'est la même chose pour tous les véhicules qui tractent une caravane. Bien entendu, le fait même de dépasser un véhicule encombrant peut entraîner des écarts de trajectoire. Réponse A et C.